Chapitre 255. L'interdiction d'écouter la médisance, et l'ordre pour celui qui entend une médisance interdite de la condamner, ainsi que son auteur, ou en cas d'impossibilité, ou encore, si l'auteur refuse d'écouter, de quitter l'endroit, si possible. Allah Ta'ala dit: et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent. Sourate 28, verset 55. Qui se détourne des futilités. Sourate 23, verset 3. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Sourate 17, verset 36. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si Satan te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Sourate 6, verset 68. 1528. D'après Abu Darda, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui défend l'honneur de son frère musulman, Allah protégera son visage du feu le jour de la résurrection. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 1529. Itban ibn Malik, radiyallahu anhu, rapporte dans un long hadith bien connu et cité au chapitre sur l'espérance que le prophète alayhi salatu wassalam se leva pour prier et demanda: où est Malik ibn Durshum? Un homme répondit: c'est un hypocrite qui n'aime ni Allah ni son messager. Le prophète alayhi salatu wassalam répliqua: ne dis pas cela. Ne sais-tu pas qu'il a dit: il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, recherchant par cela le visage d'Allah Ta'ala, et qu'Allah a interdit à l'enfer celui qui dit: il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, désirant par cela le visage d'Allah. Al-Bukhari et Muslim. 1530. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, dans le long récit de son repentir, voire le chapitre concernant le repentir, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était assis au milieu de ses compagnons à Tabouk, a dit: qu'a fait Ka'b ibn Malik? Un homme des Bani Salim a répondit: ô messager d'Allah, il a été retenu par ses beaux manteaux et par l'admiration qu'il éprouve pour sa personne. Mu'ad ibn Jabal lui répondit alors: quelle mauvaise parole! Par Allah, ô messager d'Allah, nous ne savons de lui que du bien. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, garda le silence. Al-Bukhari et Muslim. 1531.